Évariste Ndikobanyanga. Rukwima en collaboration avec Kelly Kapdog sur la mise en onde. Bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée de ce 19 décembre 2017, dont voici d'abord les principales articulations. Le candidat à la présidence de la République devra jouir de la nationalité burundaise d'origine et devra aussi avoir au moins 45 ans. Voilà les conditions exigées par le projet de révision de la constitution burundaise. Et la chambre basse du Parlement procède ce mardi au remplacement de 3 membres de la CVR. C'est parmi les neuf candidats en lice que les députés doivent choisir un Hutu et de Tutsi en remplacement de Didas Kiganahe, Abbé Désiré Yamouremie et Monseigneur Bernard Nauturi. Et cette famille de la colline Kagwema, commune Guihanga dans la province de Bobanza, sont déjà partis vers la RDC, pays voisin, et se font passer comme des déplacés, un comportement découragé, selon Léopold Ndaïsaba, l'administrateur de la commune. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Cette famille de la colline Kagwema, commune Guihanga dans la province de Bubanza, sont déjà partis vers le pays voisin, la RDC, dès le début de ce mois de décembre. Selon les témoins sur place à Kagwema, ils se font passer comme des déplacés et sont accueillis dans un camp de réfugiés où ils bénéficient de beaucoup de choses, y compris même de l'argent. L'administrateur de la commune Guihanga reconnaît les faits et précise que des mesures vont être prises pour décourager son comportement. Les détails avec Spirit Caritas Kabanyan. Les habitants de la colline Kagwema, dans la commune de Guihanga, ont commencé à partir vers la République démocratique du Congo dès le début de ce mois de décembre. Et selon les témoins sur place à Kagwema, cette famille composée d'enfants, de femmes et d'hommes sont déjà partis. Il y en a qui retournent à leur domicile à Kagwema, selon l'administration locale. Lorsqu'ils arrivent en République démocratique du Congo, ils se font passer comme des déplacés et sont accueillis dans un camp de déplacés en cours de création qui serait situé à Ouvira, selon certains d'entre eux, et ils sont alors assistés et bénéficient même de l'argent. Au moment où ces personnes expliquent qu'elles le font à cause de la pauvreté, l'administration locale ne l'entend pas de cette oreille et parle plutôt de la pure escroquerie ou volée qualifiée. Les administratifs à la base débattent alors le comportement de ces gens qui se font passer comme des déplacés, alors que c'est faux. L'administrateur de la commune Guihanga reconnaît les faits et précise que ces personnes partent en cachette à travers des passages non reconnus connu sur la Rusizi. Léopold Ndaïsaba ajoute qu'il a déjà interdit ce genre de comportement et que ceux qui seront attrapés seront punis conformément à la loi. Merci à Spes Caritas Kamanyana. Je vous le disais en titre, les conditions exigées pour se porter candidat à la présidence de la République ont été modifiées par le projet de révision de la constitution burundaise. L'article 97 de ce projet prescrit que le candidat devra jouir uniquement de la nationalité burundaise d'origine. Le candidat devra aussi avoir au moins 45 ans du moment que l'actuelle constitution préconisait 35 ans. Quant au vice-président, il sera choisi parmi les élus et pourra être démis de ses fonctions par le président de la République. Obenyonguru pour plus de détails. L'institution de vice-présidence est nouvelle dans ce projet de révision de la constitution. Le vice-président sera nommé par le président de la République après approbation de sa candidature par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il pourra être démis de ses fonctions par le président de la République. L'article 124 précise que le président de la République et son vice appartiennent aux groupes ethniques, partis politiques ou coalitions différents. En cas de vacance pour cause de démission, de décès ou de toute autre cause de cessation définitive des fonctions du président de la République, l'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale ou si ce dernier est à son tour empêché par le vice-président de la République et le gouvernement agissant collégialement. Quant au premier ministre, il est élu dans les mêmes conditions que le vice-président. L'article 132 dit que sa démission entraîne celle de l'ensemble du gouvernement. Il est, avec le ministre, solidairement responsable devant le président de la République. C'est lui qui présidera le conseil de gouvernement préparatoire du conseil des ministres. Pour l'institution du président de la République, le candidat devra uniquement jouir de la nationalité burundaise. Il devra aussi avoir 45 ans révolus alors que l'actuelle constitution préconisait 35 ans. Les candidatures pourront être présentées par les partis politiques, les coalitions ou les indépendants. Pour être considéré comme indépendant, il s'agira d'un candidat qui ne se réclame d'aucun parti politique depuis au moins 2 ans. Merci à Aubin Niyonguru. Je vous le disais également en titre que la Chambre basse du Parlement procède ce mardi au vote de 3 membres de 3 postes vacants à la Commission Vérité et Réconciliation. L'information qui vient de nous parvenir indique que l'abbé Pascal Niyonguru, Léon Sengabo et révérend pasteur Ninziza Clément Noé viennent d'être élus nouveaux membres de la CVR en remplacement de Didas Kiganahe, Monseigneur Bernard Nauturi et abbé Désiré et Yamouremier. Ma consoeur Mireille Kanyang vient de joindre Elie Nibel, notre envoyé à Kigobe. Voici les détails. Les commissaires qui viennent d'être élus, il y a l'abbé Pascal Niyonguru, c'est en Hutu, qui a eu 93 voix, et deux Tutsis, révérend Ninziza, et un autre Tutsi, c'est Léon Ngabo, qui a eu 92 voix. Le vice-président de la CVR a déjà été choisi. Et pour le moment, le vice-président n'a pas encore été choisi, mais c'est le travail qui va suivre. Parce que le président de l'Assemblée nationale a dit que le vice-président de la CVR était Tutsi. Donc, pour dire que même pour le moment, on va élire un Tutsi. Donc, ça sera parmi le révérend Ninziza et Léon Sengabo. On va élire un qui sera le vice-président de la commission Vérité et Réconciliation. Qui sont les 9 candidats qui avaient présenté leur candidature, qui avaient présenté leur projet devant l'Assemblée nationale? D'abord, Abbé Pascal Niyonguru, en Hutu de Mulandia. Il y a Léon Sengabo, en Tutsi, de Bujumbura Mairie. Il y a Révérend Ninziza Clément Noé, en Tutsi, de Makamba. L'ambassadeur Laurent Kabakure, en Hutu de Ngozi. Et l'ambassadeur Mbonima Cyprien, en Tutsi de Bururi. Honorable Venant Kamana, en Tutsi de Luyigi. Sixte Vini Nimuraba, c'est en Hutu de Karusi. Révérend Chanoine Nimbesha Onezim, en Tutsi de Rutana. Et enfin, Balthazar, Maître Bukuru. Voilà. Merci à Nibel pour tous ces détails. L'information qui nous parvient tout de suite indique que viennent d'être élus vice-président de la CVR, Ninziza Clément Noé. Une courte pause avant de continuer avec ce journal. Isanganiro, la radio de l'avenir. Deux jeunes garçons de la colline Rukina en commune Mokiki, nous sommes dans la province de Bujumbura, sont aux arrêts depuis la soirée de ce dimanche. Ils sont accusés d'avoir volé un fusil appartenant à un policier de la position de Rukina. Selon des sources recueillies sur place, les mêmes informations indiquent que ce fusil a été retrouvé, mais que son chargeur reste introuvable. Le conseiller technique de l'administrateur de la commune Mokiki, chargé de l'administration et du social, n'a pas voulu se exprimé à ce sujet. Séverin Ngendakuriyo nous a envoyé chez le porte-parole de la police. Ce dernier nous a indiqué que ces deux jeunes garçons sont pour le moment détenus au cachot du parquet de la République dans la province de Bujumbura, sise à Kabezi. Plus de 120 hectares de champs de maïs, manioc, bananiers, pommes de terre, patates douces, colocas et haricots sur la colline Matana, sous colline Rwanga. Nous sommes en province Bururi, ont été endommagés lors d'une pluie mêlée de vent violent et de la grêle tombée dans cette localité à 2 reprises la journée de ce lundi. Les victimes de ces intempéries disent craindre pour leur sécurité alimentaire. Cette pluie qui a emporté la vie d'une vache ce lundi avait occasionné des dégâts aussi importants tout au début de la saison pluvieuse dans cette même localité, selon des sources sur place. La Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, menace de suspendre le travail dans un délai de 8 jours à partir d'hier, le 18 décembre courant. Dans une lettre adressée à l'inspecteur général du travail et de la sécurité sociale, la COSIBU déplore le manque de feedback sur différentes correspondances qui ont été adressées au deuxième vice-président. Ces dernières, selon cette correspondance signée par 18 syndicats membres de COSIBU, avait comme objectif la suspension de gel des annales primes et indemnités conjoncturelles. Place à la chronique. Radio Isanganiro Chronique. Dans la chronique de santé de ce mardi, l'on vous parle de l'érysipèle qui est une maladie de la peau et qui est due à des microbes, comme l'explique Dr Eddy Mupera, dermatologue. Cette maladie se manifeste par un gonflement de la jambe avec beaucoup de douleur et une augmentation de la température. Les détails avec Arida Ndaiketa. L'érysipèle est une infection de la peau suite à une bactérie qui pénètre la membrane cutanée d'un individu, comme l'indique Dr Eddy Mupera, dermatologue. L'érysipèle est due à des bactéries communément appelées des streptocoques. Il réalise une dermo-hypodermite. Quand on parle de dermo-hypodermite, c'est une inflammation de la peau et des structures sous-jacentes et qui deviennent inflammatoires, très souvent localisées au niveau des membres inférieurs, au niveau des jambes et au niveau du visage. Ce dermatologue dit que cette maladie se caractérise par un gonflement de la jambe et une fièvre. La maladie va se reconnaître par une tuméfaction. C'est une jambe qui est tuméfiée. Ça augmente de taille par rapport au membre contralatéral. C'est chaud quand vous touchez, vous sentez qu'il y a de la chaleur. Et c'est très douloureux. Et dès que vous voyez, il y a une inflammation sur ce qu'on appelle une rougeur qui n'est pas très visible sur les sujets à peau noire, mais pour les noirs qui ont un teint clair, c'est une rougeur qui est très visible. Il y a d'autres parties qui sont sensibles à cette maladie, comme le précise le dermatologue Eddy Mupera. La bactérie peut passer dans le sang et il y a des structures de l'organisme qui sont beaucoup plus sensibles que les autres, notamment le cerveau. Vous comprendrez dès qu'il y a une situation de septicémie, et c'est-à-dire une généralisation des bactéries dans l'ensemble de l'organisme. Le sujet va sombrer facilement dans le coma. L'autre situation, les organes qui sont les plus souvent atteints, c'est essentiellement le rein. Ce docteur explique que des ganglions s'observent chez le malade d'érysipèle. Ceci s'accompagne de des ganglions au niveau de l'aine ou alors au niveau du cou quand la localisation est au niveau facial. Et ceci survient dans un contexte d'altération de l'état général. C'est une personne qui est très fatiguée, qui a une fièvre permanente, quand bien même vous donnez des antipyrétiques, ça n'arrive pas à régler le problème. C'est une personne qui se sent fatiguée, qui n'a pas d'appétit. Docteur Eddy Mupera fait savoir qu'il y a des facteurs favorisant la maladie d'érysipèle. Pour avoir un érysipèle, il faut qu'il y ait une maladie qui se complique. Entre autres, ça peut être ce qu'on appelle les intertrigos, interorteils ou pieds d'athlète, ou alors d'autres maladies telles que les maladies allergiques comme les eczémas, la gale. Ce sont des maladies qui, en principe, fragilisent la peau et qui deviennent de surcroît des portes d'entrée faciles aux différents germes qui sont responsables de l'érysipèle. C'est une maladie qui pourrait toucher toutes les catégories de gens, mais compte tenu des facteurs favorisant, des facteurs épidémiologiques, c'est une maladie qui s'observe essentiellement chez l'adulte notamment, parce qu'elle vient se greffer sur d'autres maladies notamment et les mycoses qu'elle rencontre essentiellement chez les sujets adultes. Docteur Eddy Mupera, dermatologue, dit que si cette maladie n'est pas bien traitée, elle peut causer la mort du sujet. C'est ce qu'on va vous parler dans la prochaine chronique santé. Merci à Ali Dandaïkeza. C'est sur cette chronique santé que se referme cette édition. Mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel des titres. Le candidat à la présidence de la République devra jouir de la nationalité burundaise d'origine et devra aussi avoir au moins 45 ans. Voilà les conditions exigées par le projet de révision de la constitution burundaise. L'abbé Pascal Niyonguru, Léon Sengabo et révérend pasteur Ninziza Clément Noé viennent d'être élus nouveaux membres de la CVR par l'Assemblée nationale en remplacement de Didas Kiganahe, Monseigneur Bernard Naoturi et Abbé Désiré Yamouremie. Il est à noter que le révérend pasteur Ndidza Clément Noé est désormais vice-président de la commission Vérité et Réconciliation. Et cette famille de la colline Kagwema, commune Guihanga, dans la province de Bobanza, sont déjà partis vers la RDC, pays voisins, où se font passer comme des déplacés. Un comportement découragé, selon Léopold Ndaïsaba, l'administrateur de la commune Guihanga. Merci pour le duo Eric et Kadogo pour leur parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Nous vous souhaitons de passer un bon après-midi.